À toi qui reçois ces mots aujourd'hui, j'aimerais te dire que tout va bien aller. Tout va bien aller car tu es toujours soutenu. Oui, toujours soutenu. Il y a ces jours où les efforts semblent vains. Il y a ces jours où tout fout le camp, ces jours où tu sembles tomber sans toucher le fond. Il y a aussi ces jours, les autres, ces jours de parfaite synchronicité, oui, tu sais de quoi je parle. Quand tu parviens à voir le beau un peu partout et qu'il est plus facile de respirer. Ces jours-là. La vie est faite de toutes ces nuances, de cette dualité immuable qui teste nos cœurs, ton cœur. Et quel que soit l'endroit où tu te trouves en ce moment, sache au fond de toi que tu es soutenu. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque mot que tu dis, chaque geste que tu apposes te mène vers l'avenir qui est le tien. Un futur où tu auras appris, grandi. Un futur qui t'aura vu courir, ralentir, bondir même. Un toi qui sera tombé et qui aura vaincu. Un toi qui goûtera la sagesse des épreuves passées et la douceur de l'amour reçu. Un toi soutenu. Peut-être qu'aujourd'hui, tout ne fait pas sens. Peut-être que tu cherches à comprendre ce qui ne peut être compris. Et si tu te donnais le droit de vivre? De vivre sans vraiment savoir où tu vas, sans connaître ce qui t'attend? Si tu te laissais surprendre par la grandeur de l'existence, par la magie des petits riens, par les signes que tu apprends à reconnaître. Surprends-toi toi-même. Tu es soutenu si fort, si fort. Si tu as peur de te tromper, si tu ne sais pas quelle décision prendre, sache que c'est normal. Tout n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais souviens-toi que ton cœur sait, que ton corps sait. Prends un instant, dépose-toi, ferme les yeux et pose à voix haute cette question qui hante tes jours, qui hante tes nuits. Pose cette question. Et alors ton corps, ton cœur vont te répondre. Oui, ferme les yeux et imagine que tu peux ressentir cette réponse. Tu sais, il est tout à fait normal d'avoir peur de faire un choix. Mais faire un choix, c'est agir. C'est faire le premier pas. Chaque fois que tu prends une décision, tu es soutenu et en choisissant, tu reprends le pouvoir et tu vis à plein poumon. Surprends-toi toi-même. Abandonne-toi dans les bras de la terre-mère. Ouvre ta gorge au ciel et ris enfin. Danse sous les étoiles et hurle à la lune. Fais des choix qui font vibrer ton âme. Accepte l'aide de ceux qui t'aiment et qui t'entourent. Parle tout haut de tes rêves et sois-en fier. Repose-toi et reprends ton souffle autant de fois que nécessaire. Un soutien infini te porte et t'élève. Et si tu lèves les bras, si tu lèves la tête, tu vas toucher les étoiles, effleurer le ciel du bout des doigts, une poussière dorée sous tes ongles. Des filaments brillants se mêlent à tes cheveux. Tu sens ton corps qui vibre à l'unisson avec l'univers tout entier. Tu es capable de tant lorsque tu rêves grand. Vas-y, continue. Ose croire que tu es guidé vers tes plus belles réalisations. Il y a tant à découvrir encore, il y a tant d'amour et de joie qui t'attendent. Cultive en toi les images qui te font sourire, celles qui parlent à ton âme. Enfile-les sur le fil qui te lie à la vie et vois ces images revêtir les couleurs du possible, car tout est possible dès aujourd'hui. Entends-moi. Tu es soutenu. Tu es supporté à cet instant précis. Tout est possible dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. N'aie pas peur. Fais-toi confiance. Tu le mérites tant.